La lecture du soir sur la radio des bons coups. La bonne lecture. Pour s'endormir tout en écoutant. La lecture du soir avec Mona. Bonsoir et bienvenue sur les lectures nocturnes de Radio Bon Coup. Dans le chapitre précédent, Hermione, débarrassée de sa tête de chat, est sortie de l'infirmerie. Et Harry a trouvé un journal intime apparemment vierge que quelqu'un avait jeté dans les toilettes des filles. Comme il était daté de 50 ans auparavant, Harry a pensé qu'il pourrait lui apprendre qui avait ouvert la chambre des secrets à cette époque. Et en effet, il s'est rendu compte que le journal lui répondait quand il écrivait dedans. Et son ancien propriétaire, Tom Jedusor, lui a montré ses souvenirs dans lesquels on voyait Hagrid, plus jeune, s'occuper d'un monstre dans Poudlard 50 ans plus tôt. On file retrouver notre petit Potter, tout choqué par cette révélation. Harry, Ron et Hermione savaient depuis toujours que Hagrid avait malheureusement un faible pour les créatures géantes et monstrueuses. Au cours de leur première année à Poudlard, il avait essayé d'élever un dragon dans sa cabane, sans parler de l'énorme chien à trois têtes baptisé Touffu, qu'il n'était pas prêt d'oublier. Si, au temps où il était élève à Poudlard, Hagrid avait entendu parler d'un monstre caché dans le château, il n'y avait rien d'étonnant à ce qu'il étouffait pour le découvrir et l'apprivoiser. Sans doute scandalisé par la longue captivité de la créature, il avait dû estimer qu'elle méritait bien de dégourdir un peu ses nombreuses pattes. Harry imaginait très bien Hagrid à 13 ans, essayant de passer au monstre un collier et une laisse. Mais il était également certain que jamais Hagrid n'aurait cherché à tuer quelqu'un. À présent, Harry regrettait presque d'avoir découvert le secret du journal de Jedusor. Peut-être que ce n'était pas Hagrid le coupable, suggéra Hermione. Peut-être que c'était un autre monstre qui attaquait les élèves. Tu crois qu'il y a tellement de monstres dans ce château ? Répliqua Ron d'un ton maussade. On a toujours su que Hagrid avait été renvoyé, dit Harry consterné. Et les agressions ont dû cesser après l'expulsion de Hagrid. Sinon, Jedusor n'aurait pas obtenu sa récompense. Ron essaya de voir les choses sous un angle différent. Ce Jedusor me fait penser à Percy, dit-il. Et d'abord, qui lui a demandé de dénoncer Hagrid ? « Mais Ron, le monstre avait tué quelqu'un !» fit remarquer Hermione. « Et Jedusor aurait été obligé de retourner dans un orphelinat de Moldus si Poudlard avait été fermé, » dit Harry. « Je comprends qu'il ait préféré rester ici. » Ron se mordit les lèvres. « Tu as rencontré Hagrid dans l'allée des embrumes, n'est-ce pas, Harry » risqua-t-il. « Il cherchait un produit contre les limaces, » répondit aussitôt Harry. Il y eut un très long silence, puis, d'une voix hésitante, Hermione aborda la question cruciale. « Vous croyez qu'on devrait aller voir Hagrid et lui parler de tout ça ?» « Ce serait joyeux comme visite, » répliqua Ron. « Bonjour Hagrid, est-ce que vous pourriez nous dire si vous avez lâché dans le château un monstre sanguinaire et poilu ces derniers temps ?» Finalement, ils décidèrent de ne rien dire à Hagrid, sauf s'il y avait une nouvelle agression. Les jours passèrent sans que la voix des incarnés se manifeste à nouveau et ils avaient à présent l'espoir de ne jamais avoir à lui demander pourquoi il avait été renvoyé. Il y avait maintenant près de 4 mois que Justin et Nicasi sans tête avaient été pétrifiés, et tout le monde ou presque semblait convaincu que l'agresseur, quel qu'il fût, avait définitivement renoncé à agir. Piff s'était lassé de ses « Potter la vipère » et Ernie Macmillan lui-même s'était montré aimable avec Harry pendant le cours de botanique. Au mois de mars, les racines de Mandragore organisèrent une fête bruyante et endiablée dans la serre numéro 3. Le professeur Chourave en fut enchanté. « Dès qu'elles commenceront à sortir de leur peau pour se rendre visite les unes aux autres, ce sera le signe qu'elles ont atteint la maturité, » dit-elle à Harry. « Nous pourrons alors ramener à la vie les malheureux qui ont été pétrifiés. » Lorsque Pâques arriva, les élèves de deuxième année eurent de quoi réfléchir pendant leurs vacances, car le moment était venu pour eux de choisir les matières qu'ils souhaitaient étudier en troisième année. Bien entendu, Hermione prenait le sujet très au sérieux. « C'est déterminant pour notre avenir, » dit-elle à Harry et à Ron en examinant la liste des options proposées. « Moi, tout ce que je veux, c'est abandonner les cours de potions, » dit Harry. « Impossible, » dit Ron d'un air sombre. « On est obligé de garder les matières fondamentales. Sinon, j'aurais laissé tomber la défense contre les forces du mal. »« Mais c'est très important, » protesta Hermione ulcérée. « Pas de la façon dont l'enseigne Lockhart, » dit Ron. « La seule chose qu'il m'est apprise, c'est qu'il ne faut pas libérer des lutins en cage. » Harry ne savait pas très bien quelle matière choisir. La seule pour laquelle il était vraiment doué, c'était le Quidditch. Il finit donc par prendre les mêmes options que Ron. Comme ça, s'il avait des difficultés à suivre, il aurait au moins un ami pour l'aider. Le prochain match de Quidditch devait opposer l'équipe de Gryffondor à celle de Poufsouffle. Des séances d'entraînement eurent lieu tous les soirs et, la veille du match, Harry estima que jamais les chances de Gryffondor de remporter la coupe n'avaient été meilleures. Son humeur joyeuse fut de courte durée, cependant. En haut des marches qui menaient au dortoir, Il tomba sur Neville Londubat qui semblait dans tous ses états. « Harry, dit-il, je ne sais pas qui a fait ça. J'ai trouvé. » Neville poussa la porte du dortoir en regardant Harry d'un air apeuré. Harry vit aussitôt que sa valise avait été vidée et son contenu jeté en tous sens. Sa cape déchirée était étalée par terre, draps et couvertures avaient été arrachés de son lit et les tiroirs de sa commode retournés sur le matelas. Stupéfait, Harry contempla le désastre. Ron, Dean et Seamus arrivèrent au même moment. Dean poussa un juron d'une voix tonitruante. « Qu'est-ce qui s'est passé, Harry ?»« Aucune idée, » répondit celui-ci. Ron examina les vêtements répandus alentour. Toutes les poches avaient été retournées. « Celui qui a fait ça cherchait un objet précis, » dit-il. « Il y a quelque chose qui te manque ?» Harry rassembla ses affaires et les remit dans la valise. Ce fut seulement lorsqu'il eut rangé le dernier livre de Lockhart qu'il sut ce qui avait disparu. « Le journal de Gédusor n'est plus là, » chuchota-t-il à l'oreille de Ron. « Quoi ?» Harry fit un signe de tête en direction de la porte du dortoir et Ron le suivit au dehors. Ils redescendirent en hâte dans la salle commune qui était à moitié vide et rejoignirent Hermione, occupée à lire dans un coin. Lorsqu'ils eurent raconté ce qui s'était passé, Hermione eut l'air atterrée. « C'est forcément un élève de Gryffondor qui l'a volé, » dit-elle. « Personne d'autre ne connaît le mot de passe. » « Exactement, » approuva Harry. Le lendemain, il faisait un soleil radieux et une petite brise rafraîchissait l'atmosphère. « Un temps idéal pour un match de Quidditch !» s'exclama Dubois avec enthousiasme en attaquant son petit déjeuner. Harry n'avait cessé d'observer les visages des élèves de Gryffondor rassemblés autour de la table, en se demandant si c'était vraiment l'un d'entre eux qui avait volé le journal intime. Hermione l'avait incité à signaler le vol, mais Harry n'aimait pas trop cette idée. Il aurait fallu qu'il révèle toute l'histoire du journal de Gélusor, et il ne souhaitait pas raviver le souvenir de l'expulsion de Hagrid. Lorsqu'il quitta la grande salle en compagnie de Ron et d'Hermione pour aller chercher son équipement de Quidditch, un autre souci, plus grave encore, revint le tourmenter. À peine avait-il posé le pied sur la première marche de l'escalier qu'il entendit à nouveau la voix. « Tuez cette voix, déchirée, égorgée !» Il poussa un cri qui fit sursauter Ron et Hermione. « La voix !» s'exclama-t-il en regardant par-dessus son épaule. « Je viens encore de l'entendre. Pas vous ?» Ron, les yeux écarquillés, fit non de la tête, mais Hermione se frappa soudain le front du plat de la main. « Harry !» dit-elle. « Je crois que je viens de comprendre quelque chose. Il faut que j'aille à la bibliothèque. » Et elle monta l'escalier 4 à 4. « Qu'est-ce qu'elle a compris ?» demanda Harry qui regardait toujours autour de lui pour essayer de localiser la voix. « Beaucoup plus de choses que moi, » dit Ron en hochant la tête. « Mais pourquoi faut-il qu'elle aille à la bibliothèque ?»« C'est toujours ce qu'elle fait, » répondit Ron avec un haussement d'épaule. « Dès qu'elle a un doute, elle fonce à la bibliothèque. » Indécis, Harry n'avait pas bougé, essayant d'entendre à nouveau la voix. Mais derrière lui, les autres élèves quittaient à leur tour la grande salle dans un grand bruit de conversation et sortaient dans le parc pour se rendre au stade de Quidditch. « Tu ferais bien d'y aller, » dit Ron. « Il est presque 11 heures, le match va bientôt commencer. » Harry se dépêcha d'aller chercher son imbus de mille et rejoignit la foule nombreuse qui se pressait au dehors. Mais la voix désincarnée continuait de le préoccuper. Il n'arrivait pas à la chasser de son esprit. Sa seule pensée réconfortante, lorsqu'il se retrouva dans les vestiaires, c'était que les élèves ne subiraient aucune agression tant qu'ils seraient dans le stade. Les deux équipes s'avancèrent sur la pelouse dans un tonnerre d'applaudissements. Madame Bibine lâcha les balles tandis que les joueurs de Poufsouffle, vêtus de robes jaunes canaries, écoutaient les conseils de dernière minute de leur capitaine. Harry venait d'enfourcher son balai lorsque le professeur McGonagall traversa soudain le stade, moitié marchant, moitié courant. Elle avait à la main un énorme mégaphone violet. Harry eut l'impression que son cœur tombait comme une pierre dans sa poitrine. « Le match est annulé !» annonça le professeur McGonagall dans le mégaphone. Une explosion de cris et de huées monta aussitôt des gradins. Olivier Dubois, l'air atterré, se précipita vers le professeur McGonagall sans prendre la peine de descendre de son balai. « Mais professeur » s'écria-t-il, « il faut absolument qu'on joue. La coupe, Gryffondor !» Le professeur McGonagall ne lui prêta aucune attention et continua de crier dans son mégaphone. « Tous les élèves doivent immédiatement retourner dans leur salle commune où il leur sera donné de plus amples informations. Dépêchez-vous, s'il vous plaît !» Elle fit alors signe à Harry de la suivre. « Potter, il vaut mieux que vous veniez avec moi, » dit-elle. En se demandant de quoi on pouvait bien le soupçonner cette fois, Harry et Ron se détachaient de la foule des élèves en colère et coururent vers lui. À sa grande surprise, le professeur McGonagall l'autorisa à les accompagner au château. « Il vaut mieux que vous veniez aussi, Weasley, » dit-elle. Les réactions étaient partagées parmi les élèves qui les entouraient. Certains protestaient ouvertement contre l'annulation du match, d'autres avaient l'air inquiets. Harry et Ron suivirent le professeur McGonagall dans l'escalier de marbre, mais cette fois, ce n'était pas dans un bureau qu'on les emmenait. « Vous allez avoir un choc, » avertit le professeur d'une voix étonnamment douce. Elle avait pris la direction de l'infirmerie. Il y a eu une autre agression, dit-elle. Une double agression, encore une fois. Harry sentit son estomac se contracter douloureusement. Le professeur McGonagall poussa la porte de l'infirmerie et les fit entrer. Madame Pomfrèche était penchée sur une élève de 5e année. Elle avait de longs cheveux bouclés et Harry la reconnut aussitôt. C'était l'élève de Serre d'Aigle à qui ils avaient demandé par erreur où se trouvait la salle commune des Serpentards. Et sur le lit à côté, il y avait « Hermione !» s'exclama Ron. Elle était totalement immobile et ses yeux vitreux étaient grands ouverts. « On les a trouvés près de la bibliothèque, » dit le professeur McGonagall. Elle leur montra alors un petit miroir circulaire. Ce miroir était par terre, à côté d'elle. « J'imagine que vous n'avez pas d'explication. » Harry et Ron firent non de la tête sans quitter Hermione des yeux. « Je vais vous ramener à la tour de Gryffondor, » dit le professeur McGonagall d'un ton grave. « Il faut également que je parle aux autres élèves. » « À compter d'aujourd'hui, tous les élèves devront regagner leur salle commune à 6h du soir. Passé 7h, aucun élève ne devra plus quitter son dortoir. À la fin de chaque cours, un professeur vous accompagnera dans la classe suivante. » Tous les entraînements et les matchs de Quidditch sont reportés à une date ultérieure, et il n'y aura plus aucune activité le soir. Les élèves de Gryffondor, rassemblés dans la salle commune, écoutèrent en silence le professeur McGonagall. Elle roula le parchemin qu'elle venait de lire et reprit d'une voix étouffée. « Je n'ai pas besoin d'ajouter que j'ai rarement été aussi bouleversée. Si le coupable n'est pas bientôt arrêté, il faudra s'attendre à une fermeture pure et simple de l'école. Je demande à tous ceux qui pourraient avoir des renseignements à fournir en rapport avec ces agressions de les communiquer sans délai. » Elle sortit avec une certaine maladresse par l'ouverture cachée derrière le portrait de la grosse dame, et les commentaires des élèves commencèrent aussitôt. Deux griffondeurs pétrifiés, sans compter un fantôme, une élève de Serre d'Aigle et un de Poufsouffle, récapitula Lee Jordan, l'ami des jumeaux Weasley. Aucun professeur ne semble avoir remarqué que tous les élèves de Serpentard sont sains et saufs. Toute cette histoire vient des Serpentards, c'est évident, non? L'héritier de Serpentard, le monstre de Serpentard, pourquoi est-ce qu'il ne revoit pas tous les Serpentards? Ajouta-t-il en provoquant des hochements de tête approbateurs et quelques applaudissements discrets. Assis dans un fauteuil, derrière Lee, Percy ne sembla guère soucieux, pour une fois, d'exprimer son point de vue. Il avait l'air pâle et abattu. « Percy est sonné, » chuchota George à l'oreille de Harry. « Cette fille de Serre d'Aigle, Pénélope d'Auclair, elle était préfète, elle aussi. Et il ne pensait pas que le monstre oserait s'en prendre à un préfet. » Mais Harry n'écoutait qu'à moitié. Il n'arrivait pas à chasser de son esprit l'image d'Hermione, étendue sur son lit d'hôpital, raide comme une statue. En plus, si le coupable n'était pas bientôt découvert, il risquait fort d'être condamné à passer sa vie chez les Dursley. Tom Jedusor avait dénoncé Hagrid pour ne pas finir dans un orphelinat de moldus si jamais l'école fermait, et Harry comprenait très bien ce qu'il avait pu ressentir. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» murmura Ron à l'oreille de Harry. « Tu crois qu'il soupçonne Hagrid ?»« Il faut aller le voir et lui parler, » décida Harry. « Je n'arrive pas à croire que ce soit lui le coupable, cette fois. Mais si c'est vraiment lui qui a libéré le monstre il y a 50 ans, il doit savoir comment pénétrer dans la chambre de secret, et c'est un début. » Mais McGonagall a dit qu'on n'avait pas le droit de sortir de la tour en dehors des heures de classe. « Je crois que le moment est venu d'utiliser à nouveau la vieille cape de mon père, » dit Harry en baissant encore la voix. Harry n'avait hérité qu'une seule chose de son père, une cape d'invisibilité longue et argentée. C'était le seul moyen de se faufiler hors de l'école pour aller voir Hagrid sans que personne ne s'en aperçoive. Ron et Harry allèrent se coucher à l'heure habituelle. Ils attendirent que Neville, Dean et Simus se soient endormis, puis ils se rhabillèrent et s'enveloppèrent dans la cape d'invisibilité. La traversée du château n'eut rien d'une partie de plaisir. Harry, qui était un vieil habitué des promenades nocturnes, n'avait jamais vu autant de monde à cette heure-là. Professeurs, préfets et fantômes sillonnaient les couloirs en marchant deux par deux, à l'affût de tout signe suspect. Certes, la cape rendait Ron et Harry invisibles, mais elle ne supprimait pas les bruits, et ils faillirent se faire repérer lorsque Ron se cogna l'orteil, à quelques mètres du poste d'observation qu'occupait Rogue. Par chance, Rogue éternua bruyamment au moment précis où Ron laissa échapper un juron. Enfin, ils atteignirent avec soulagement le portail du chêne et se glissèrent au dehors. La nuit était claire, le ciel rempli d'étoiles. Ils se hâtèrent en direction de la cabane de Hagrid dont ils voyaient les fenêtres éclairées et notèrent leur cap que lorsqu'ils furent arrivés devant la porte. Lorsqu'ils frappèrent, la porte s'ouvrit presque aussitôt. Hagrid se tenait sur le sol, une arbalète à la main, pointée sur eux. Croque-Dur, son molosse, aboyait bruyamment derrière lui. « Oh, c'est vous !» dit Hagrid qui baissa aussitôt son arme. « Qu'est-ce que vous fabriquez avec ça ?» demanda Harry en montrant l'arbalète. « Oh, rien, rien du tout !» marmonna Hagrid. « Je m'attendais à... mais ça ne fait rien. Entrez, asseyez-vous, je vais vous faire du thé. » Il semblait incapable de regarder ce qu'il faisait. Il faillit éteindre le feu en renversant la bouilloire et cassa la théière d'un geste malheureux de son énorme main. « Ça va, Hagrid ?» s'inquiéta Harry. « Vous êtes au courant de ce qui est arrivé à Hermione ?»« Oui, oui, je sais. » dit Hagrid d'une voix brisée. Il ne cessait de jeter des regards vers la fenêtre et leur versa deux grandes tasses d'eau bouillante. Il avait oublié d'ajouter le thé. Il tenait à la main une tranche de cake qu'il s'apprêtait à poser sur une assiette lorsqu'on frappa vigoureusement à la porte. Hagrid laissa tomber le cake. Harry et Ron échangèrent un regard de panique et se recouvrirent aussitôt de la cape d'invisibilité, avant d'aller se réfugier dans un coin de la cabane. Hagrid vérifia rapidement qu'ils étaient bien cachés, puis il saisit son arbalète et alla ouvrir la porte. « Bonsoir, Hagrid !» C'était Dumbledore. Il entra, le visage grave, suivi par un homme d'aspect étrange, petit, corpulent, avec des cheveux gris en désordre et une expression anxieuse. L'homme portait des vêtements disparates qui formaient un curieux mélange. Costume à rayures, cravate rouge, longue cape noire et bottes violettes à bout pointu. Il tenait sous son bras un chapeau melon de couleur verte. « C'est le patron de mon père !» chuchota Ron. « Cornelius Fudge, le ministre de la magie !» Harry lui donna un coup de coude pour le faire taire. Hagrid était devenu pâle et son visage se couvrait de sueur. Il se laissa tomber sur une chaise en regardant alternativement Dumbledore et Cornelius Fudge. « Sale affaire, Hagrid !» dit Fudge en détachant les syllabes. « Très sale affaire. Il fallait que j'intervienne. 4 agressions contre des enfants moldus. Les choses sont allées suffisamment loin comme ça. Le ministère doit agir. »« Je n'ai jamais !» dit Hagrid en regardant Dumbledore d'un air implorant. « Vous savez bien, professeur, que je n'ai jamais... »« Cornelius, je voudrais qu'il soit bien clair que Hagrid a mon entière confiance, » dit Dumbledore, les sourcils froncés. « Écoutez, Albus, » répondit Fudge mal à l'aise. « Les antécédents de Hagrid ne jouent pas en sa faveur. Le ministère doit faire quelque chose. Les membres du conseil d'administration de l'école se sont consultés. »« Encore une fois, Cornelius, je vous répète qu'éloigner Hagrid ne changera strictement rien, » reprit Dumbledore. Ses yeux brillaient d'une lueur flamboyante que Harry ne lui avait encore jamais vue. « Mettez-vous à ma place !» dit Fudge en tripotant nerveusement son chapeau. « Tout le monde a les yeux tournés vers moi. Il faut qu'on me voie agir. Si on s'aperçoit que Hagrid n'est pas coupable, il reviendra chez lui et on n'en parlera plus. Mais il faut que je l'emmène. Je ne ferai pas mon devoir si... »« M'emmener ?» dit Hagrid qui s'était mise à trembler. « M'emmener où ?»« Pour quelque temps seulement, » dit Fudge en évitant son regard. « Ce n'est pas une punition, Hagrid, une simple précaution, tout au plus. Si on trouve un autre coupable, vous serez libéré avec toutes nos excuses. »« Vous n'allez pas m'emmener à Azkaban ?» rugit Hagrid. Avant que Fudge ait eu le temps de répondre, quelqu'un frappa de nouveau à la porte. Ce fut Dumbledore qui alla ouvrir. Harry laissa alors échapper une exclamation qui lui valut à son tour un coup de coude dans les côtes. Lucius Malfoy venait de pénétrer dans la cabane. Enveloppé dans une longue cape noire, il arborait un sourire glacial et satisfait. Croque-Dur se mit à grogner. « Vous êtes déjà là, Fudge, » dit Monsieur Malfoy d'un air approbateur. « Très bien, très bien. » « Qu'est-ce que vous faites ici ?» s'exclama Hagrid avec fureur. « Sortez de ma maison !»« Mon cher monsieur, soyez certain que je n'ai aucun plaisir à me trouver dans votre... Comment appelez-vous ça ? Une maison ?» répliqua Malfoy en jetant autour de lui un regard dédaigneux. « Je suis simplement passé à l'école où l'on m'a dit que le directeur se trouvait ici. »« Et que me vouliez-vous exactement, Lucius ?» demanda Dumbledore. Son ton était poli, mais la lueur flamboyante brillait toujours dans ses yeux bleus. « Je suis navré pour vous, Dumbledore, » reprit Malfoy d'un ton nonchalant en sortant de sa poche un rouleau de parchemin. « Mais le conseil d'administration de Poudlard estime qu'il est temps pour vous de passer la main. J'ai ici un ordre de suspension vous concernant. Vous y trouverez les 12 signatures réglementaires. Nous avons estimé que vous n'étiez plus à la hauteur de la situation. J'en suis désolé. Combien d'agressions ont eu lieu jusqu'à présent ? Il y en a eu 2 de plus cet après-midi, n'est-ce pas ? À ce rythme, il ne restera bientôt plus aucun enfant de Moldu à Poudlard, et nous sommes tous conscients de l'horrible perte que cela représenterait pour l'école. « Attendez, attendez, Lucius, » dit Fudge l'air affolé. « Dumbledore suspendu ? Non, non, c'est la dernière chose à faire. La nomination, ou suspension du directeur, relève de la décision du conseil d'administration, Fudge, » répliqua M. Malfoy d'une voix douce. « Et comme Dumbledore a été incapable de mettre un terme à ses agressions... » « Voyons, Lucius, si Dumbledore ne peut pas y mettre un terme, qui donc en sera capable ?» dit Fudge. On voyait des gouttes de transpiration apparaître sur sa lèvre supérieure. « Nous verrons bien, » déclara M. Malfoy avec un sourire mauvais. « Mais les 12 membres du conseil ont voté. » Hagrid se leva d'un bond. Sa tête hirsute touchait presque le plafond. « Et quels ont été vos arguments pour les convaincre ? » rugit-il. « Les menaces ? Le chantage ? » ?»« Mon cher Hagrid, » dit M. Malfoy, « votre caractère emporté vous attirera un jour de sérieux ennuis. » Je vous conseille de ne pas crier comme ça lorsque vous aurez affaire au gardien d'Azkaban. Il n'aimerait pas ça du tout. « Vous ne pouvez pas renvoyer Dumbledore » hurla-t-il si fort que Croque-Dur alla se réfugier dans son panier en tremblant. « S'il s'en va, les enfants de Moldu sont condamnés. La prochaine fois, il y aura des morts. »« Calmez-vous, Hagrid, » dit sèchement Dumbledore. Il se tourna vers Lucius Malfoy. « Si le conseil d'administration souhaite mon départ, Lucius, Je m'en irai, bien entendu. Mais, balbutia Fudge. Non ! Gronda Hagrid. Le regard bleu de Dumbledore fixait les yeux gris et glacés de Lucius Malfoy. Cependant, reprit Dumbledore en parlant très lentement, comme s'il tenait à ce qu'on ne perde pas un mot de ce qu'il allait dire. Vous vous apercevrez que je n'aurai véritablement quitté l'école que lorsqu'il n'y aura plus personne pour me rester fidèle. Vous vous apercevrez qu'à Poudlard, une aide sera toujours apportée à ceux qui la demandent. Pendant un instant, Harry eut la quasi-certitude que les yeux de Dumbledore s'étaient tournés vers le coin de la cabane où il était caché avec Ron. « Ce sont là des sentiments admirables, » déclara Malfoy en s'inclinant. « Nous regretterons tous votre façon très personnelle de diriger les choses, Albus. Et j'espère simplement que votre successeur saura empêcher que, la prochaine fois, il y ait des morts. » Il s'avança vers la porte, l'ouvrit et s'inclina en faisant signe à Dumbledore de sortir. Fudge, qui tripotait toujours son chapeau, attendit que Hagrid passe devant lui, mais Hagrid resta immobile. Il prit une profonde inspiration et dit en détachant bien ses mots. « Si quelqu'un voulait découvrir quelque chose, il lui suffirait de suivre les araignées. Elles leur indiqueraient le bon chemin, c'est tout ce que j'ai à dire. » Fudge le regarda d'un air stupéfait. « Voilà, j'arrive, » dit Hagrid en enfilant son manteau. Mais au moment où il allait franchir la porte, derrière Fudge, il marqua une pause et dit d'une voix forte. « Il faudra que quelqu'un donne à manger à Croque-Dur pendant que je ne serai pas là. » La porte claqua et Ron enleva sa cape d'invisibilité. « On a vraiment des ennuis maintenant, » dit-il d'une voix rauque. « Sans Dumbledore, il ferait tout aussi bien de fermer l'école dès ce soir. S'il s'en va, il y aura une agression par jour. » Croque-Dur se mit alors à gémir en grattant à la porte. La lecture du soir sur la radio des bons coins. La bonne lecture. Pour s'endormir.